Donc maintenant, Geoffrey va nous parler du 32 au 100 mars, Nuit debout, l'affirmation de nouveaux acteurs. Bonjour. Bon, bonsoir à tous. Bon, voilà, donc je me suis dit qu'aujourd'hui c'était le 100 mars, donc pas le centième jour de Nuit debout, mais quand même, peut-être l'occasion de faire un petit. De revenir un peu en arrière sur ce qui s'est passé, mais surtout de proposer juste quelques éléments d'une de très nombreuses perceptions, expériences de ce qu'est Nuit debout, puisque Nuit debout c'est vraiment différent pour chacun. Je crois que l'expérience est différente, le parcours de chacun est différent, et donc chacun l'interprète un peu autrement. Et donc il se fait que ça fait 15 ou 16 ans maintenant que je suis des mouvements à peu près comme Nuit debout, assez semblables un peu partout dans le monde, avec les mouvements altermondialistes, les forums sociaux, plus récemment les mouvements des alignés Occupy ou l'expérience de Gezi Park qui vient de fêter ses 3 ans. Et donc c'est vrai que mon regard est un peu plus influencé par ce qui s'est passé ailleurs et qui résonne beaucoup avec ce qui se passe ici, mais pas tout à fait. Et donc là, ce que je pensais faire peut-être, c'est vous proposer quelques éléments en 10 minutes, un quart d'heure, et puis histoire d'en discuter un peu plus longuement par la suite, pour faire peut-être quelques allers-retours. Donc, l'idée que j'en ai eue maintenant, un peu en discutant avec beaucoup, je sais pas si beaucoup d'entre vous, quelques-uns d'entre vous et plusieurs acteurs depuis 70 jours maintenant, c'est que Nuit debout est plein de choses, bon, au moins 3 choses qui sont importantes. C'est un événement d'abord clair où on se réunit tous les soirs, personne ne vient tous les soirs bien sûr, ça se passe pas n'importe où, sur la place de la République, et donc on pourrait voir ce que Nuit debout veut dire sur la place elle-même, comment elle transforme la place. C'est à Paris avec la banlieue, c'est en France, et donc là il y a un niveau national qui est très fort d'à côté, on pourra en rediscuter. D'autres vont dire que Nuit debout ça fait peut-être partie d'un mouvement plutôt, un mouvement national contre la loi travail, et donc là c'est plus en lien avec les syndicats, avec d'autres structures. Et je pense aussi, c'est là-dessus que j'aimerais insister, Nuit debout c'est aussi une partie, une pièce d'un mouvement plus global, d'affirmation d'un acteur différent, qu'on a vu un peu partout dans le monde et peut-être jusque maintenant moins en France, qui est un acteur qui est souvent plus individualisé mais très solidaire, qui ne colle pas très bien avec la structure politique et finalement pas toujours très très bien avec l'État non plus. Et peut-être qu'en France, on a plus de mal à le percevoir qu'ailleurs. Et c'est justement pour ça qu'on a vu que Nuit debout est si intéressant, si important. C'est parce qu'il ne colle pas tout à fait dans la catégorie et donc il fait surgir petit à petit, de manière assez difficile, compliquée, avec beaucoup de tensions qu'on a vu surtout au cours du deuxième mois, un acteur différent et que, dans lequel finalement tout le monde se reconnaît en partie, ou presque tout le monde justement. Et donc cet acteur, c'est ce qu'on on l'a vu en Espagne, on l'a vu aux États-Unis auparavant, mais qui serait quelque chose qui est un individu qui s'implique autrement en politique. Alors il y a la face la plus visible qu'on voit très bien ici, il n'y a pas d'organisation, et cette volonté de dire je m'implique avant tout moi-même à ma façon. Mais il y a aussi des faces qui sont, ou des aspects qui sont pour moi plus importants et qui sont le cœur de Nuit debout à mon avis, et enfin, plutôt d'après ce que j'en entends, qui est finalement non seulement une affirmation de soi contre le formatage de la société en résumé, mais je dirais peut-être encore plus une transformation de soi. Comment en venant à Nuit debout, on se transforme chacun soi-même. Et donc à partir de là, il y a une vision différente du mouvement qui n'est sûrement pas la seule, mais qui, à mon avis, permet de comprendre Nuit debout d'une certaine façon et puis qu'il faut compléter par plein d'autres façons. Et donc je disais une affirmation de soi parce que Nuit debout, c'est dire je ne suis pas que ce que la société veut que je sois. La société, aujourd'hui, c'est clair, ça nous pousse en gros à travailler beaucoup, consommer. Et puis surtout, maintenant, dans le contexte d'état d'urgence, qui est très présent depuis le début, plutôt se méfier de l'autre. Ici, Nuit debout, c'est au contraire. C'est l'idée que c'est la bienveillance. C'est essentiel à Nuit debout. Beaucoup moins. Il y a eu quelques soucis depuis un mois, et c'est bien normal, c'est un mouvement qui se cherche. Mais la bienveillance est très importante dans ce contexte, sur cette place, qui est quand même avec le mémorial à côté, face aux attentats, les attentats qui nous disent « Attention, si l'autre est un peu différent, il faut se méfier. » Nuit debout, c'est tout le contraire. C'est-à-dire on s'affirme soi-même, mais aussi en lien avec l'autre. Et on s'affirme soi-même, pas comme membre d'un syndicat, d'un parti, d'une organisation, comme une personne. Et c'est pour ça que je pense que parmi les choses les plus intéressantes de Nuit debout, il y a ce synthétique pop, en fait, où on dit très clairement, tout le monde peut venir parler, tout le monde a plein de choses à dire, on vient en tant que passionné et sans statut. On n'appartient pas à une organisation, enfin si on appartient, ça peut être le cas, mais c'est au niveau individuel. On n'est pas qu'on soit une université ou pas du tout, c'est pas important. Ce qui compte, c'est partager de personne à personne, d'individu à individu. Et c'est là que je pense que c'est vraiment une des forces de Nuit Debout. Et puis aussi, bon, ce qui évidemment parfois fait problème, parce que comment est-ce qu'on s'allie avec les autres? Comment est-ce qu'on fait en sorte de s'affirmer soi-même et en même temps ne rien imposer aux autres tout en essayant de changer quand même? Et ce qui m'a beaucoup marqué en discutant avec, je me réunis souvent avec un petit groupe d'acteurs de la place, c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup dit que Nuit Debout, c'était apprendre à s'exprimer dans les assemblées générales, etc. Mais finalement, peut-être que Nuit Debout, c'est aussi, et peut-être encore plus, apprendre à écouter. Et c'est vrai qu'on dit sans cesse que c'est très bien de s'exprimer, mais en même temps, pour s'exprimer, il faut surtout qu'il y ait une écoute. Et ce qui me frappe beaucoup dans Nuit Debout, c'est qu'il y a quand même une écoute qui est assez impressionnante. Pas toujours partout, il y a plein de tensions aussi. Mais on voit aussi que voilà, les gens s'écoutent beaucoup. Quand on n'est pas d'accord, on discute beaucoup plus. Il y a aussi d'autres épisodes, comme hier par exemple, où ça a été un peu plus musclé face à ce journaliste qui est arrivé. Et puis aussi, en même temps, je le disais, c'est un mouvement de transformation de soi où on retrouve d'autres éléments de mouvement antérieur. Par exemple, cette idée, pour beaucoup, pas pour tous, qu'on ne sait pas vraiment vers où on va. Et donc là, il y a deux interprétations. Il y a l'idée que personne n'a de plan, si quelques-uns ont un plan préconçu, en disant on a des objectifs et on veut, et Nuit Debout, c'est un outil pour arriver à ces objectifs, qui peuvent être différents, hein. Ça peut être multiples d'objectifs, mais déjà fixés à l'avance. Ici, au contraire, ce qui m'intéresse beaucoup moins, c'est que dans Nuit Debout, on discute sans cesse de nos objectifs, finalement. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment est-ce qu'on le fait? C'est très réflexif. On se remet sans cesse en cause. Évidemment, vu de l'extérieur, pour ceux qui passent trop rapidement ici, c'est peut-être une faiblesse du mouvement, puisqu'on va nous accuser de parler beaucoup, alors qu'il y a plein d'actions partout aussi, mais qui ne sont pas toujours aussi visibles. Alors que justement, cette idée de se remettre en cause sans cesse, ça fait partie de ce processus aussi. C'est finalement s'opposer à la politique classique qui a été faite à la vision du changement social au XXe siècle, qui était de dire on a une vision de l'autre société très claire, qui était pour certains le communisme, pour d'autres, d'autres choses. Et donc, on arrive avec cette vision claire qu'on essaye ensuite de prendre le pouvoir de l'État et de l'imposer, avec toujours une relation assez centrale de l'État. Tandis qu'ici, j'ai bien plus l'impression de dire, bon, on essaie de mettre en place des choses, c'est un espace autonome dans lequel les alternatives sont vécues, expérimentées, mises en place avec beaucoup de problèmes, bien sûr, mais surtout, on s'interroge sans cesse sur comment est-ce qu'on peut avancer, est-ce qu'on va bien dans la bonne direction, est-ce qu'on prend en compte les différentes alternatives, les différentes possibilités. Et c'est évidemment ici, donc, du coup, une conception assez différente d'un mouvement social. Pour le coup, il y a des vraies différences sur la place aussi, qu'on ne peut pas nier. Il y a, à mon avis, une affirmation de plus en plus de ce courant de personnes qui parlent moins fort, qui crient moins fort sans doute, mais qui ne sont pas moins nombreux sur la place, face à d'autres qui sont aussi sur la place et qui, eux, ont une vision très claire qu'ils veulent plutôt imposer, qui arrivent à chasser d'autres et qui ont des clashs très forts, y compris au niveau personnel. Hein. Je pense notamment à ce qui s'est passé autour du Media Center ici, je ne sais pas si tout le monde a suivi ça, mais où des personnes ont été directement accusées, ont été pratiquement éjectées du mouvement pour certaines. Ce qui ne correspond pas vraiment à cette autre manière de faire de la politique et dire plutôt, voyons comment est-ce qu'on peut, comment on peut travailler ensemble autour de ces, autour de nos différences. Et du coup, il y a aussi cette vision du changement social qui me paraît importante, notamment aussi parce que l'État n'est plus forcément aussi central dans le changement. Ce qui fait une vraie différence par rapport à la culture politique dominante en France. Pour moi, si Nuit Debout m'a fait tellement de bien, notamment, c'est parce que depuis 6 mois, tout le monde parlait d'une chose en France. La politique, c'était... deux choses plutôt. D'un côté, les élections présidentielles, comme si toute la politique, toute la démocratie se résumait à cette élection présidentielle. Ça fait déjà 6 mois qu'on en parle et on a encore pour 1 an là-dessus. Et si finalement un mouvement vient pour dire, bon, la politique, ce n'est pas que ça. C'est aussi ce que nous faisons ensemble ici sur la place et c'est ce que nous faisons au quotidien. Le film qui a résonné avec une partie de la place, hein, le film Demain, par exemple, qui dit que tout ce qui se joue au niveau dans les quartiers, au niveau local, ça fait partie de ce changement. Il n'y a pas que la politique des partis, il n'y a pas que l'État. Il ne faut pas forcément attendre que l'État fasse quelque chose pour faire changer les choses. Et puis aussi, un autre, dans le contexte si important, ce que Nuit Debout a fait aussi, c'est très directement aussi contre l'état d'urgence. On le voit à différents niveaux. L'état d'urgence qui, en fait, était très intégré par chacun de nous, je crois. Cette idée qu'il y a une méfiance, une peur de l'autre. Enfin, chacun de nous, je dirais, on en résistait quand même pas mal. Et puis dans les médias, très clairement, le discours du Front National qui était très présent partout, à la fois parce que le Front National est lui-même très présent, les idées du Front National quand même, c'est comme un gouvernement d'un parti de gauche, ou à peu près, qui a quand même discuté la question de l'identité nationale, la défiance de la nationalité, tout d'un coup un mouvement qui enfin vient dire que les migrants finalement, s'ils sont là, c'est aussi parce qu'ils fuient des guerres. Et donc, c'est pas un hasard que c'est. Ils sont pas là juste. On a quand même transformé un peu l'idée que voulait donner le Front National et bien d'autres. Et donc, à partir de là, c'est vrai que c'est un mouvement compliqué, foisonnant, où il y a plein d'alternatives. Avec une chose, que c'est un mouvement que plein de personnes ont initié. Bien sûr, il y a eu quelques initiateurs qui ont ouvert un espace, mais dont finalement tout le monde s'est emparé et qui n'appartient à personne. Donc du coup, c'est un mouvement qui est foisonnant, compliqué. On a l'impression qu'on parle beaucoup et qu'on n'avance pas si vite, mais parce que justement, se poser des questions sans cesse fait partie du chemin, fait partie de notre manière d'avancer. Et donc forcément, ça prend plus de temps, mais c'est aussi plus intéressant à mon avis. Avec cette idée de dire qu'il y a bien chaud, c'est un mouvement qui place la démocratie en son cœur. D'abord parce qu'on dénonce les problèmes de la démocratie dans la société, et j'ai entendu ça très fort dès le début et plus encore maintenant. Beaucoup ont dit on ne vit pas en démocratie. Ou en tout cas, je dirais on ne vit pas dans une démocratie aussi forte que ce qu'on aimerait avoir. Avec une idée centrale qu'on a retrouvée dans tous les mouvements depuis 2011, c'est dénoncer la collusion entre les élites économiques, politiques et médiatiques. La collusion plus que la corruption. C'est pas dire qu'il y a le problème, c'est qu'il y a des élites économiques qui ont plein d'argent qui corrompent les politiques. Non. C'est de dire ce sont les mêmes. Le truc de Panama Papers ou à qui appartiennent les médias en France comme ailleurs, c'est très clair, ce sont les mêmes, ce sont des élites économiques, politiques et médiatiques qui ont beaucoup trop de force sur la démocratie, sur le contrôle du discours. Et donc comment, suite à cela, toute une série de médias se sont créés? Bien sûr, des médias alternatifs importants ici et qui ont une logique plus classique, comme Mediapart par exemple, mais aussi un foisonnement de médias où, par exemple, il y a eu une grosse discussion après et autour du Media Center pour dire le problème, c'est même de l'idée d'un center, d'un centre pour les médias. Il faut que tout le monde soit le média, notamment avec Periscope qui est arrivé en force, avec une série de manières d'échanger nos perspectives. Et si Periscope m'a paru aussi si intéressant, c'est dire finalement ce qu'ils ont dit, c'est qu'il n'y a pas forcément une objectivité sur ce mouvement. Au contraire, il faut une multiplicité des subjectivités, une multiplicité des points de vue qui sont tous très personnels, et c'est à partir de ça qu'on comprend mieux le mouvement. Et donc, contre l'idée de dire qu'il y a une manière de voir le mouvement, qu'il y a une manière de faire la politique, une manière de faire la démocratie, il y a au contraire cette multiplicité, cette diversité qui s'affirme un peu partout. Et donc cette idée que la politique, évidemment, c'est nous aussi ce qui se fait tous les jours sur la place, avec en même temps, et peut-être pour lancer le débat, en même temps des légitimités politiques qui sont un peu en tension sur la place. Une manière de s'emparer du mouvement, s'emparer de la politique, c'est clairement le vote. Voter, se mettre d'accord autour d'un vote. Et donc c'est là que la commission, notamment Démocratie sur la place, s'est énormément investie pour voter. Et c'est quelque part l'expérimentation démocratique qui est essentielle sur la place. Simplement, on a vu que ça n'a pas toujours super bien fonctionné, malgré toutes les bonnes intentions, c'est pas évident. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une autre légitimité tout aussi forte, qui est de dire, en fait, ce que fait cet espace de Nuit Debout, c'est donner la possibilité à tout le monde de prendre des initiatives. Et donc, c'est la légitimité de l'action, finalement. C'est celui qui veut s'emparer, celui qui a une bonne idée, ben, qu'il y aille et qu'il fasse ça dans le cadre de Nuit Debout. C'est très bien. C'est ce qu'on voit aujourd'hui bien plus fort. Aujourd'hui, on voit que le vote en Assemblée Générale, c'est vraiment plus forcément l'essentiel, même si c'est intéressant comme expérimentation. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des dizaines d'actions tous les jours qui se décident en partie sur la place, en partie ailleurs, et plein d'initiatives. Et c'est vrai que d'un côté, certains, surtout les médias, parlent d'un essoufflement de la place. Et d'un autre côté, on voit aujourd'hui des dizaines d'actions partout. Je vois par exemple aussi, je discute avec plein de monde, des personnes qui me disent, après 2 mois, j'ai enfin trouvé une nouvelle commission que je ne connaissais pas dans laquelle je me sens vraiment bien. Et donc là, on voit de nouvelles choses qui émergent aussi, ça continue. Il y a plein d'actions qui vont à peu près partout dans tous les sens. Il y a eu en même temps des vraies tensions autour de ça pendant ces 2 mois. C'est clair qu'un mouvement pareil qui se construit sans avoir un plan préconçu. Et encore une fois, à mon avis, le fait de ne pas avoir un plan préconçu, c'est pas la faiblesse d'un mouvement, c'est vraiment la manière de faire des mouvements d'aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant, à mon avis. Ce qui veut dire aussi que c'est difficile, parce qu'on ne sait pas très bien par où on va, qu'on avance par essai et erreur. Et c'est un mouvement qui est très liquide, où justement, chaque fois qu'il y a des petits leaders qui émergent, il y a plein de mécanismes un peu bizarres qui viennent un peu partout, qui sont là pour saper ces leaders ou ces personnes qui sont un peu plus visibles. C'était notamment le cas du Media Center ou d'autres aussi. Un mouvement qui résiste beaucoup à tout ça. Et puis un mouvement qui forcément, comme tous les acteurs, se fige aussi un peu plus. Et donc, par exemple, le cas des commissions m'a beaucoup interpellé. ou deux cas, par exemple, je commencerai peut-être par Telegram. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont sur Telegram. Qui est sur Telegram? Qui suit Telegram? Bon, c'est peu de monde en fait. Et Telegram, c'est une petite application qui permet de créer des groupes. J'étais très frappé la première semaine, je ne connaissais pas Telegram quand je suis arrivé ici. Et la première semaine, dans chaque commission, on me disait « Ah, il faut absolument que tu t'inscrives sur Telegram, que tu t'inscrives sur cette commission. » Et donc vraiment l'idée que c'est un média qui allait pouvoir nous être incluant, inclusif, inclure plein de monde pour pouvoir créer des choses avec des gens qui n'appartenaient à aucune organisation, ou en tout cas pas à partir des organisations préexistantes, on crée un nouveau truc. Et c'était fantastique, ça a fonctionné très vite pour les actions, pour plein de choses. Très vite, après 3-4 semaines, et c'est un peu normal dans le processus, Telegram c'est devenu autre chose. Telegram c'est devenu quelque chose où il y a des initiés qui savent comment on est dans la liste Telegram. On suit les listes actions, les gens débattent et se battent jour et nuit sur certaines listes. Et beaucoup de gens qui sont sur la place n'ont pas accès à ces listes. Pourquoi? Ben, simplement parce que les listes sont figées, parce qu'il y a un passé qui s'est fait là-bas. Parce qu'aussi, parfois, dans certaines périodes de Nuit Debout, la bienveillance a été remplacée par la méfiance. Ce qui est normal dans certains contextes aussi, quand même des contextes parfois difficiles, où il y a une méfiance par rapport à la police, aux infiltrés, pour les actions par exemple. Il y a eu des grosses discussions autour de la place de la violence. Il y a eu beaucoup de crispations autour du Media Center. Enfin, plein de choses qui ont fait que cette bienveillance, qui se traduisait aussi par une ouverture, c'est parfois traduite par une fermeture. Et l'outil même qui était là pour l'ouverture avec Telegram, pour dire que tous les individus peuvent se rassembler simplement en donnant leur nom et pas plus, dans des groupes de discussion, ben, c'est devenu à certains moments des groupes de fermeture. Aujourd'hui, arriver dans un groupe Telegram, c'est plus si évident. D'ailleurs, je suis surpris de voir que si peu d'entre vous font partie des groupes Telegram sur lesquels continuent quand même à se décider pas mal de choses. Pardon ? Ah oui, voilà, donc par rapport à d'autres choses. Et puis je pense qu'il y a aussi une autre chose où le mouvement s'est figé de temps en temps, et justement par rapport au mécanisme d'ouverture, je vais peut-être arrêter là-bas, ce sont les commissions. Les commissions qui étaient vraiment, encore une fois, aussi un moyen extraordinaire de se réunir très très vite, et tout le monde a vu des commissions se créer en quelques minutes. Un type intéressant arrive en âge et dit « Ah, j'ai une bonne idée, je pense qu'il faudrait faire un truc contre la publicité. » « Ah, super, ben, ceux qui sont intéressés se rassemblent de ce côté-là, venez, je serai là-bas dans 10 minutes. » Et puis tout d'un coup, 5-10 personnes se rassemblent et on crée une commission. 5 minutes, ok. Et donc c'est super flexible et n'importe qui peut y arriver. Le problème, mais ce qui est tout à fait logique, encore une fois, c'est normal, pas le problème, comment ça se développe, c'est qu'ensuite, ben, ces commissions ont chacune leur histoire. Et pour la personne qui l'a rejoint après 2-3 semaines, ben, ces gens-là ont déjà beaucoup discuté, ont déjà avancé sur plein de sujets. Et du coup, l'intégration devient parfois plus difficile. Et ce n'est pas vraiment un problème en soi, mais simplement l'ouverture qui était le propre de Nuit Debout tout au début, parfois est oublié parce que les débats ont avancé, parce qu'il y a, il y a eu des principes aussi, des disputes un peu qui ont lieu dans tous les groupes. Et donc, de temps en temps, il y a eu ces groupes qui ont figé les choses. Un mouvement très liquide et qui était figé ensuite par des commissions, par des groupes, des pôles. On voit bien des gens qui ont des positions un peu différentes parfois, ce qui est bien normal dans des mouvements ouverts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, de nouveaux mécanismes arrivent pour questionner ces groupes. Par exemple, il y a des groupes aujourd'hui qui ne veulent plus appeler commission, qui veulent faire les choses autrement, qui veulent être plus flexibles. Et donc il y a cette idée de nouveau de recréer des espaces où chacun peut arriver, s'agréger, apporter quelque chose au niveau très personnel. Donc c'est peut-être un autre axe de discussion ici. Et peut-être pour terminer, ou peut-être pour relancer une autre piste pour lancer le débat et qui rejoint bien les deux. Pour moi, tout ça c'est vraiment lié, cette idée qu'on arrive ici comme des personnes, des individus. Et donc en apportant beaucoup de soi-même, c'est ça vraiment le cœur de Nuit Debout, c'est que chacun vient non pas seulement avec ses idées, mais vraiment avec lui-même, avec le côté expressif. Et on s'engage avec ses émotions, ses relations, c'est pas juste, on n'échange pas juste quelques informations et quelques avis. Ici, on ne peut pas séparer, par exemple, l'amitié et l'engagement. Tout ça est intimement lié. On ne peut pas séparer la rencontre d'une personne et le projet politique, social. Non, tout ça va de pair. Et donc, évidemment, l'idée des organisations, elles sont questionnées, en même temps bien présentes. S'il n'y a pas eu le DAL au début, s'il n'y a pas eu Fakir au début, ben, ils ont ouvert un espace qui a permis à ces individus de s'en emparer. Et donc, les organisations sont présentes, mais plutôt derrière que devant, elles ne sont pas centrales. Et donc, ce qui crée ce mouvement très liquide et qui, en même temps, qui est intéressant et qui, chaque fois, tend à se rigidifier de temps en temps, et puis il devient plus liquide, il se rigidifie parfois autour d'autres pôles. Et puis, donc, il vient donc finalement la question aussi, mais qu'est-ce qui va rester de tout ça? Et c'est une question qui à la fois m'interpelle et en même temps je m'en méfie un petit peu. Parce que c'est vrai, dès le premier jour, tout le monde, beaucoup de journalistes par exemple, interrogeaient les gens de Nuit Debout en disant « C'est super, tout le monde est sur la place, mais qu'est-ce qui va en rester ?» Et ce qui était sous-entendu par ça, c'est « Est-ce qu'il y a un parti politique qui va être créé ? Est-ce qu'il y a une tendance politique ? Quel impact sur la politique institutionnelle ?» C'est quand même bizarre, parce que s'il y a bien une chose que fait ce mouvement, c'est questionner la centralité de la politique institutionnelle. S'il y a bien une chose qu'il fait, c'est dire il y a peut-être des partis, mais il n'y a pas que ça en démocratie, il y a plein d'autres choses. Alors que sans cesse, les observateurs extérieurs veulent nous rabattre sur quelle tendance politique, quel parti politique, etc. Et c'est justement ça que nous questionnons comme mouvement. Et donc, je pense qu'une première chose qu'il faut redire et répéter sans cesse, c'est que ce mouvement peut bien sûr avoir un impact sur la politique institutionnelle, mais sera sans aucun doute, s'il a un impact là-dedans, ce sera un de ses impacts, et à mon avis, pas le principal ni le seul. Le cas espagnol est très clair. En France, tout le monde nous parle de Podemos, comme si les alignés étaient devenus Podemos. C'est faux. Podemos, c'est juste l'un des nombreux résultats du mouvement, qui d'ailleurs ne s'appelle pas les alignés, mais du 15M en Espagne. Ils ont fait plein d'autres choses. D'ailleurs, plein de personnes qui sont élues aujourd'hui ont refusé d'adhérer au parti Podemos. Et en même temps, Podemos a fait des choses intéressantes et est à la fois la continuité et la trahison de ce mouvement. Par exemple, personne ne peut citer un leader du mouvement de la place del Sol. Il n'y a pas de leader. Podemos, c'est le contraire. C'est un leader très fort, très charismatique. Et donc, il y a ici une continuité, une différence entre les deux. Mais surtout, dès qu'on va sur place, et là, j'étais très surpris au début, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient présents à une des premières conférences de Frédéric Lordon, qui disait deux choses. Podemos et les alignés, c'est le contre-exemple à ne pas suivre. Et Occupy Wall Street n'a rien produit. Ça, je pense que vraiment on peut dire ça seulement si on n'a pas été sur place. Parce qu'au niveau local, tous ces mouvements ont produit plein de choses. Chaque fois que je vais dans des villes où il y a eu des mouvements comme ça, ou chaque fois que je discute avec mes amis et collègues et militants à Istanbul, ou il y a 6 mois j'étais à New York, et évidemment il y a plein de choses qui se sont passées là-bas et qui continuent. Simplement, ça fait partie, encore une fois, de réinterroger cette centralité de la politique institutionnelle. Pour dire, la démocratie, ça ne peut pas être que la démocratie représentative. Et donc forcément, tout ce qu'on lit dans les grands médias, c'est essentiellement la démocratie représentative. Et ce que nous voulons faire, c'est précisément questionner cette place. Et donc après, c'est un peu bizarre de nous reprocher de ne pas être, de ne pas considérer que c'est aussi central. Et ce qu'on voit, par exemple, à Brooklyn, ce qu'on voit aussi un peu partout, c'est le renforcement des mouvements locaux. Ce qui est déjà assez présent. Par exemple, si on le voit à Londres aussi, beaucoup de mouvements autour de l'alimentation. Je suis persuadé que des alternatives déjà existantes vont vraiment être renforcées par tout ce qui se passe ici. Il y a un autre niveau, parce que là, je pense qu'il faut que je conclue. Il y a aussi ce niveau très important d'échange des connaissances. Qui se fait autrement ici. Je pense qu'Éduc Pop est un bon exemple, mais aussi une commission extraordinaire qui est la commission économie politique, dans laquelle on échange des connaissances économiques, mais aussi à un niveau très personnel, il ne faut pas être forcément un super expert de l'économie pour pouvoir y participer, y contribuer. Et donc là aussi, il y a des choses qui sont transformées au niveau de l'information, et puis je dirais surtout au niveau personnel. S'il y a bien une chose qui a transformé le bout, ce sont les individus qui sont passés par ici. C'est pour ça peut-être que ce qui compte, c'est bien sûr peut-être ce que ça va devenir, mais surtout ce que c'est. L'expérience que c'est pour chacun, comment ça nous transforme chacun, parfois dans les actes très quotidiens. Si je parle pour moi simplement, c'est vrai que moi-même, en rencontrant des gens dans le métro, en voyant des gens ailleurs, on agit autrement, en étant passé par cette expérience qui nous transforme un peu chacun. Et ce sont des choses qui restent longtemps. On voit par exemple, il y a des études qui ont été faites dans les années 60 aux États-Unis pour montrer que les gens qui participaient à ce genre d'espace, ce genre de mouvement qui vraiment ne sont enfin, c'est pas Nuit Debout qui a créé ce genre d'espace, ça existe depuis bien longtemps. Un peu moins en France, mais ça existait aussi en France. Et bien, ceux qui sont passés par cet espace, ça a un impact, il faut que je termine là, ça a un impact sur leur vie, même plusieurs décennies plus tard. Sur leur manière de vivre, de consommer, mais aussi de voir la politique. Et donc, je pense que si on pense à la fois à la nature actuelle du mouvement, mais aussi à ce qu'il peut devenir et ce qu'il deviendra sans doute, il faut toujours décentré, il faut arrêter avec cette idée que la démocratie, c'est les élections uniquement, que le changement personnel et local n'est pas important. Je pense que c'est essentiel pour la démocratie. Je termine par une petite phrase de Jacques Rancière qui dit que la démocratie, c'est aussi la manière dont les citoyens se connectent entre eux et font des relations entre eux. Donc c'est pas seulement la relation que nous avons avec l'État. Au contraire, ici, il y a vraiment une rupture entre l'État et nous, en grande partie. C'est aussi la manière dont nous connectons chacun entre nous. Et c'est ça qui fait, à mon avis, toujours jusqu'à aujourd'hui, la force du mouvement sur cette place, cette bienveillance, mais aussi qui sera sans doute l'héritage principal du mouvement, le jour où cette place ne sera pas occupée aussi régulièrement qu'aujourd'hui. Voilà, maintenant on va passer au débat. Alors pour qu'un maximum de personnes puissent écouter et aussi interagir du coup sur ce qui a été dit, je vous invite vraiment à vous avancer au maximum. Et ceux qui sont derrière, n'hésitez pas à venir vous asseoir, à venir vous rapprocher, parce que c'est vrai que du coup peut-être que ceux qui sont derrière n'entendent pas énormément avec les bruits autour. Donc pour le débat, on va, en fonction s'il y a beaucoup de personnes qui posent des questions en même temps, on va en prendre plusieurs. Et voilà, comme toujours, t'as rappelé le mot de bienveillance, donc on vous invite à être bienveillant envers tous ceux et toutes celles qui souhaitent prendre la parole. Et n'hésitez pas surtout à intervenir, parce que comme tu l'as aussi rappelé, c'est un lieu dans lequel chacun peut prendre la parole, chacun et chacune, et on vous invite à le faire. Voilà, t'avais... Merci beaucoup. Juste petit aparté par rapport à un mot que t'as glissé, mouvement à Istanbul, parce que j'ai rencontré dans le bus, justement j'ai discuté avec ma voisine dans le car en revenant de Toulouse, qui était donc une dame d'un certain âge d'origine turque, dont la fille vit en Turquie, entre la Turquie et la France, et qui a très peur que ça ne débouche, que la situation... politique actuelle en Turquie débouche sur une guerre civile dans une échéance assez courte. Donc du coup, elle m'a parlé de sa fille et j'aimerais beaucoup pouvoir lui envoyer une piste pour lui redonner un peu d'espoir et éventuellement propager le mouvement de cette manière-là. Donc si tu pouvais nous parler de ce qui se passe à Istanbul, ce serait super. Voilà, merci beaucoup. Tu veux répondre maintenant ? Est-ce qu'il y a d'autres questions avant la réponse ? Ou tu réponds et puis on reprend d'autres questions ? Et donc je pense que le cas d'Istanbul est vraiment intéressant et permet aussi de... Je veux dire, je tiens à garder ce côté optimiste de tout ce que j'ai dit, que je le maintiens même après ce que je dirai maintenant. Mais il faut aussi voir les limites de ce type de mouvement, surtout aujourd'hui. Dans le monde aujourd'hui, c'est un monde, je pense que le mouvement en Égypte était intéressant pour ça, et surtout en Turquie. Ce mouvement où des individus ont quand même fait ce mouvement très individuel, où cette idée de no logo, pas d'affichage de sigles, etc., était très présent, dans un contexte bien plus dur qu'ici, où la répression était déjà plus dure, dans un contexte comme ici aussi, ou peut-être plus encore qu'ici, où la politique et la vie quotidienne étaient très mêlées, et par exemple, c'était quand même des mesures pour interdire l'alcool, des choses comme ça qui ont aussi mobilisé les gens, dans un contexte où les femmes ont eu un rôle bien plus important encore que sur cette place, même si elles ont aussi un rôle important ici. Et donc, j'ai eu la chance de coordonner un livre, qui sera présenté demain, où il y a trois chercheuses militantes d'Istanbul qui ont écrit des textes, et donc c'est plutôt là-dessus que je m'appuierai, parce que moi-même, je connais assez peu, c'est plutôt leur expérience que je vais un peu partager avec vous. Ce qui me paraît important de dire là-bas, c'est premièrement, ce mouvement des places à Istanbul, de Gezi Park, donc qui a fêté son troisième anniversaire récemment, a été extrêmement dense, extrêmement intense, et en même temps, il s'est arrêté un jour, les gens n'ont plus occupé la place. Il s'est passé plusieurs choses ensuite. Premièrement, il y a eu, dans le mois suivant, trois victoires électorales du parti conservateur en Turquie. Je veux dire par là, attention à tous ceux qui pensent que ces mouvements ont une traduction électorale directe. C'est faux. Pardon. Il n'y a pas de traduction électorale directe de ces mouvements. En Égypte, pareil. Les jeunes militants alter-activistes qui ont fait la révolution en Égypte, en fait, qui après s'est emparé du processus électoral, c'est pas eux, ce sont les frères musulmans qui, eux, avaient une organisation, étaient structurés, étaient un parti politique, parce que finalement, notre manière de construire un mouvement ne correspond pas au processus électoral. C'est autre chose, une autre manière de faire. Et donc, il n'y a pas de traduction directe dans la sphère de la politique électorale. D'ailleurs, je prends souvent l'exemple français de 68. Mai 68, tout le monde connaît le mouvement. Juin 68, la plus grande victoire électorale de la droite en France. Donc voilà, c'est pas connecté. Par contre, et donc du coup, les militants d'Istanbul étaient premièrement assez déprimés après ça. Par contre, un an plus tard, il y a eu là une percée assez forte du HDP, un parti démocratique pro-kurde en Turquie. Et donc, il s'est passé par différents mouvements. En même temps, il y a eu plein de mouvements locaux aussi, un peu partout en Turquie, et du rapprochement d'autres choses. Le problème, c'est que le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'il y a 5 ans. Quand les alignés, le 15M a commencé en Espagne, le monde est très différent, notamment pour une chose. C'est la violence et la répression. en Turquie, tous les jours, des militants sont assassinés, des journalistes sont tués, des chercheurs sont en prison. En Égypte, personne ne le sait ou presque personne, je ne sais pas pourquoi, on n'en a pas parlé. Le 14 août 2014, 1400 militants ont été tués le même jour par le régime dans tout le pays. Et donc, le problème, ou pas le problème, mais le fait est que notre manière de construire des mouvements qui est différente, qui est horizontale, sans leader, avec une organisation différente, ne correspond pas, ne correspond pas à la manière de négocier. On ne peut pas négocier avec Nuit Debout comme on négocie avec un syndicat. Ne correspond pas à, parce que c'est un mouvement individuel beaucoup différent où tout le monde fait plein de choses. On ne s'engage pas non plus en politique comme Nuit Debout. Et puis surtout, ces acteurs justement qui refusent de s'engager dans ce jeu-là, ces oppositions, sont très violemment réprimés dans beaucoup de pays aujourd'hui. Et c'est un autre niveau, une autre échelle, mais la répression est très forte en France aussi. C'est-à-dire, tout le monde a entendu parler des militants qui ont... On parle de centaines de militants blessés, pour beaucoup gravement, beaucoup ont perdu un œil dans des manifestations. Enfin, il y a une répression très très forte, qui n'est pas la même, mais qui fait écho, je pense qu'on la voit dans tous les pays où ces mouvements ont surgi. Et ces mouvements, c'est pas... Il est intéressant en France, parce que la France est peut-être plus réfractaire à cette autre manière de faire de la politique jusqu'à maintenant, et c'est là que Nuit Debout fait vraiment un changement. On l'a vu partout, et partout la répression était très très forte. En Turquie, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des bombes, très souvent contre les mouvements pacifistes, qui sont les premières victimes des deux camps, de ceux qui sont pour la lutte plus armée, des islamistes radicaux armés aussi, et des gouvernements autoritaires. Et donc c'est ça vraiment, en Turquie, vraiment le risque est majeur aujourd'hui, avec un parti de plus en plus autoritaire, un pays, c'est des choses qu'on pensait incroyables il y a 5 ans. Et je pense que là, premièrement, il faut dire que nous avons, il se passe pas la même chose, mais choses semblables ici, avec la répression, avec aussi la collusion entre les élites politiques, économiques et médiatiques, aussi la manière dont Nuit Debout était reformaté dans les médias quand même, dans beaucoup de médias, c'est quand même assez incroyable. Enfin, moi j'étais ici à côté de gens qui, après le concert de l'Orchestre Debout, m'ont dit à 11h, il faut qu'on parte parce que les CRS vont charger. C'est l'image que renvoyaient les médias, c'était complètement faux, c'est pas ce qui se passait. Et en même temps, il faut aussi s'interroger sur le rôle qu'ont nos pays, et je dirais en particulier la France, pour soutenir ces régimes qui répriment en Turquie, c'est surtout l'Allemagne qui l'a soutenu, ou en Égypte en fait. Il suffit d'acheter quelques bateaux à la France pour que François Hollande aille soutenir le régime qui met des centaines de militants en prison. Il y a eu un jeune chercheur qui a été assassiné et torturé il y a quelques mois, jeune chercheur en sociologie. Ce qu'il a fait, c'est qu'il étudiait les syndicats autonomes en Égypte, qui sont issus de ces mouvements. Donc c'est vrai que ce sont des régimes très répressifs aujourd'hui, ce qui pose un vrai défi. Et donc ce scénario optimiste, je reste optimiste, mais en même temps, il y a des forces très très fortes aussi de l'autre côté. Et la répression est très violente. Est-ce que d'autres personnes ont des remarques ou des questions à faire? Oui, allez-y. Je veux juste prolonger ce qu'il dit, parce que vous ne vous rendez pas compte, mais le peuple turc et le peuple grec est transformé en tueur. L'Europe paye pour que les immigrés passent en Europe, et ce qui se passe, c'est que ces immigrés n'arrivent jamais. On les coule. On leur vend des bateaux. Après, on leur vend le transfert. Et à la fin, on les tue. Alors, c'est pourquoi ça? Donc, c'est très grave moralement. On transforme les Grecs des îles en tueurs. Et moi, je suis bulgare, à côté. Et nous avons sauvé les enfants grecs des communistes qui mouraient dans les camps, dans les îles 76, les enfants des communistes grandissaient en Bulgarie. Donc, ça suffit comme ça, il faut tout globalement voir, et surtout voir que la France fait 5 guerres. Alors moi, je tente que des bombes tombent en plein boulevard Saint-Michel. Il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas comme ça. Et on vole le pétrole des Arabes, il faut le rendre. On vole l'atome en Afrique, il faut le rendre. Donc, on ne peut pas recevoir tous les gens qui sont massacrés là-bas, ici, c'est clair, parce qu'ici, les gens veulent vivre chez eux. Donc, ça suffit comme ça, il faut globalement voir, et nous sommes dans du nazisme financier, monsieur camarade, parce que on tue qui? Mais on tue le syndicaliste quand, comme avant-guerre. On tue qui? On tue les communistes, on tue des gens qui pensent. Ça suffit comme ça. C'est pas l'Amérique qui va nous sauver, je pense qu'il faut qu'on s'occupe de nous ici. Voilà. Moi, je voulais revenir sur tous les questionnements qu'il y avait sur l'après-Nuit debout ou sur la... Qu'est-ce que ça allait donner sur le plan, ben, justement, plus institutionnel. Je pense qu'on pourrait regarder le... On pourrait pas se questionner sur ce plan. Ben, moi, je suis vachement attachée à la façon dont fonctionne Nuit debout actuellement, c'est-à-dire comment on se rencontre sur les places. C'est-à-dire, moi, je suis attachée à l'aspect périn de nos rencontres chaque soir, chaque semaine. Bien sûr, ça résout pas la question de comment ça va se concrétiser d'un point de vue un peu plus large, territorialement parlant, national. Mais c'est un mode de fonctionnement, en tout cas, qui est vachement important. Si ça se concrétisait d'un point de vue électoral et qu'on arrêtait de se rencontrer chaque soir, ça se perdrait. Enfin, il y aurait plus aucun sens, en fait. Donc c'est au moins sur le mode de fonctionnement, il faut qu'on soit attaché à son aspect périn. Après, sur la concrétisation, c'est gros point d'interrogation. Mais donc insister sur l'importance de la pratique de nos échanges, en fait, de nos rencontres tous les soirs, pour moi, c'est vachement important. Et sinon, un autre petit point sur les commissions. Je sais pas si tu as vachement appuyé sur... La remise en question, donc l'aspect fluide, liquide, en fait, du mouvement, parce que remise en question permanente de l'organisation, des modes d'organisation du mouvement. Ça aussi, c'est quelque chose que je pense vachement important, parce que si, sur les exemples que tu as donnés, moi je ne les ai pas constatés, mais les exemples que tu as donnés, c'était clairement à chaque fois essayer de souligner. Sur certaines commissions reprenaient en fait les tares de la démocratie institutionnelle qu'on conteste, en fait. Donc pareil, c'est vachement important. Être toujours vachement attentif à ce que l'organisation ne refasse pas les mêmes erreurs, quoi, parce que clairement c'était ça la professionnalisation d'un mouvement comme Nuit debout, c'est un peu à proscrire complètement, quoi. Voilà, c'était deux petites remarques. Bonsoir, mademoiselle qui venait de parler. Je suis là. Je suis d'accord avec vous. Ça fait depuis un petit mois que je vais de commission en commission. Et je constate, que le mot démocratie, effectivement, ça parle à tout le monde et ça révolte. En fait, la 5e République, je crois que maintenant, il faut la faire mourir. La vraie démocratie, c'est que... Moi, je fais aussi à la démocratie sur place. C'est eux qui gèrent aussi... les commissions vont les voir, qui portent la parole dans l'organisation et tout ça. S'il y a des choses aussi à dire, c'est aussi vers eux qu'il faut aller. Moi, je vais de commission en commission et je suis en train de distiller. C'est que on ne veut plus les élections, cette hiérarchie qui est verticale, que ce soit en entreprise, dans les institutions. Par exemple, le référendum de Maastricht, les Français ont voté grandement contre Maastricht. Le président de l'époque, via le traité de Lisbonne, est passé outre la voix du peuple citoyen. Donc, en quelque sorte, il s'est cru au-dessus de la loi. J'ai lu la Constitution. Nul n'est au-dessus de la loi. Donc, il faut peut-être refaire des élections, une démocratie. Les gens pourraient voter par tirage au sort, constituer un groupe, voter des projets et non plus des personnes. Je te laisse répondre. On a eu 3 interventions de femmes, donc les hommes, n'hésitez pas, si vous voulez intervenir, ne vous sentez pas... gênée par le fait que les femmes soient intervenues en masse avant. Merci, en fait c'était plus des interventions, hein, donc merci beaucoup pour ces 3 contributions. J'en profite juste pour rebondir un peu, donc c'est vrai que premièrement sur la violence, ça me paraît vraiment important, et finalement il y a une vraie question, comment répondre à cette violence, répression de l'État, Et c'est vrai que la bienveillance, c'est finalement à la fois la fragilité, la vulnérabilité, mais finalement, c'est aussi peut-être la meilleure manière d'y répondre, en fait, et peut-être la seule, parce que répondre à la force par la force, ça paraît toujours, ça paraît impossible. On ne sera jamais à ce niveau-là. Par contre, ce qui me paraît aussi très intéressant ici en France en particulier, c'est qu'avec tout ce qui s'est passé en venant sur la place, avec ce qui se passe dans les médias, comment les médias, certains médias dominants, ont déformé l'image de Nuit Debout en grande partie, mais aussi l'expérience de la violence policière qui a été faite par beaucoup de gens pour lesquels c'était juste bizarre et nouveau. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est que de plus en plus de gens font une différence entre nous, ou moi, ça dépend, nous, et l'État. Vraiment, c'est une rupture quelque part entre cette idée de la République française intégratrice qui est là pour intégrer la société, etc. Là, tout d'un coup, on dit, mais non, en fait, ceux qui sont au gouvernement, en fait, ne nous représentent pas vraiment, ils sont plutôt de l'autre côté, les Panama Papers, ils nous répriment. Et donc, quelque part, c'est un autre côté qui dit, bon, il faut construire les choses nous-mêmes plutôt que d'aller réclamer les choses au gouvernement. Et bien sûr, finalement, est-ce qu'il ne faut pas faire les deux ? C'est vrai que, mais à côté de ceux qui sont centrés, finalement, quand on parle de loi de travail, c'est une contestation en demandant au gouvernement de changer quelque chose. C'est sûrement très important, mais il y a aussi l'autre aspect de dire, bon, il faut que nous organisions des choses autrement aussi. Et donc ça m'a marqué ici à Nuit Debout de voir comment progressivement il y avait une différence qui était faite entre nous et l'État pour bien des aspects. Ce qui renvoie aussi aux élections, le fait même au cœur de cette manière d'être militant, que j'appelle plutôt alteractivisme, où la subjectivité est si forte, l'affirmation de soi, il y a une donnée de fond, c'est que la subjectivité, ce qui est plus profond de moi-même, ce que je mets dans le mouvement, ne peut pas se déléguer. Personne ne peut parler à ma place parce que c'est moi qui ai vécu ça. Finalement, l'expérience de Nuit Debout est propre à chacun. Et ce que j'ai fait moi-même, ce que j'apporte dans ce mouvement, la délégation est impossible dans cette logique-là. On ne peut pas, du coup, c'est l'idée du mouvement, de cette manière de voir le mouvement qui n'est pas la seule, c'est qu'on ne peut pas déléguer quelque chose. On ne peut pas déléguer le fait que quelqu'un va voter à ma place sur une discussion. Et peut-être, donc, comme le disait madame, on peut, pourquoi pas, déléguer sa voix sur un projet particulier, oui. Mais il y a vraiment ici une tension entre la délégation, parce qu'en même temps, peut-on s'occuper de tout ? Non. Moi, je ne peux pas être spécialiste en même temps des OGM, de ce qui se passe sur le Panama Papers, des impôts, de la démocratie, de tout. Non, à un moment donné, il faut bien trouver des manières aussi de s'organiser ensemble. Et donc, il y a cette tension-là, et sans doute que la démocratie, en fait, peut-être que c'est arriver à combiner toutes ces différentes formes. Ce qui paraît clair aujourd'hui, c'est de dire que voter une fois tous les 4 ans ne suffit pas pour être en démocratie. Et là, je ne dirais pas tellement, à mon avis, mais je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus, c'est pas tellement que c'est un problème d'aujourd'hui. Je dirais même pas que la démocratie fonctionne moins bien qu'avant. Est-ce que dans les années 70, est-ce qu'il y a eu une époque où ça a bien fonctionné ? Pas forcément. Je ne suis pas sûr que dans les années 70, ça fonctionnait mieux. Par contre, aujourd'hui, et je dirais surtout grâce à tous ces mouvements, depuis l'altermondialisme et bien d'autres, et depuis 2011, bien plus encore, c'est que nous voulons beaucoup plus de la démocratie. Que la démocratie qui auparavant nous satisfaisait à peu près, ben on en veut beaucoup plus. Il y a deux choses, à la fois d'un côté d'élitement de l'État social, bien sûr, où les inégalités se creusent. Et donc là, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans ces démocraties. Donc là, il y a un vrai problème, on va dire, du système. Mais il y a aussi de l'autre côté, et non pas un problème, mais l'idée que la démocratie ne suffit plus, que nous en voulons beaucoup plus. Et c'est ça qui, à mon avis, contribue à développer tous ces mouvements. Donc c'est pas... Bien sûr, il y a une crise de la démocratie, mais cette crise vient aussi du fait que les acteurs en veulent beaucoup plus, et pas seulement que la démocratie fonctionne moins bien qu'avant. Bon, voilà, il y a plein d'autres choses à dire, mais aussi, je pense que vous avez bien plus de choses à dire que moi là-dessus. En fait, je voulais demander si peut-être quelquefois les élections sont peut-être pas un petit peu trop diabolisées, parce que je voulais prendre aussi l'exemple de l'Amérique latine qui est très très intéressant selon moi. C'est parce qu'on a par exemple, imaginons, moi je suis d'origine colombienne, et en Colombie on a eu beaucoup d'opposition, parfois violente, etc. Et en fait, il s'est pas passé grand chose au final, tandis que quand on regarde des expériences comme en Bolivie, ou alors en Équateur aussi, enfin, il y a eu des changements impressionnants. Il y a eu des gens qui sont organisés et qui se sont dit on va faire des révolutions démocratiques anti-néolibérales. Et ils ont réussi à apporter au pouvoir des gens comme Evo Morales ou Rafael Correa, qui sont des anti-néolibéraux, qui sont vraiment révolutionnaires et qui sont arrivés par la voie des élections. Et c'est impressionnant ce qui s'est passé là-bas. On a une progression écologique qui est incroyable, une réduction des inégalités qui est impressionnante, une augmentation de 4 points de PIB par an. Et des Équatoriens, par exemple, qu'on demande des Équatoriens comment est-ce qu'ils ont perçu tout ça, quel est le plus grand changement qu'ils ont vu avec ça, ils disent nous, on a retrouvé notre dignité d'être Équatorien. C'est quelque chose qui me paraît très très très très fort quand même. Et donc voilà, est-ce qu'on pourrait pas Parce que on a l'impression qu'il y a peut-être deux voies, c'est-à-dire on reste dans la contestation, quelquefois un petit peu violente, etc. Et après, bon, ça donne pas des résultats peut-être impressionnants. Ou alors on passe par la voie donc voilà des élections, etc. Parce que il y a des propositions, des choses incroyables qui pourraient se faire, comme le tirage au sort, le salaire à vie, on va dire changer la façon de compter notre richesse économique de PIB à BNB, par exemple. Enfin, des choses quasiment révolutionnaires et ultra modernes. Enfin, on sent pas vraiment qu'elle pourrait passer par, enfin, toute seule, quoi. Enfin, voilà. Donc, pourquoi pas justement mettre des élections pour arriver à mettre ces mesures en place comme ça. Voilà. Merci. Bonsoir. Depuis tout à l'heure, je réfléchis. Ça fait des semaines que je veux venir à Nuit Debout, et moi, depuis tout, je me dis, Nuit Debout, c'est Paris. Enfin. Nuit Debout est très ancré dans Paris, d'accord ? Il est lié à cette place. Bon, moi, je viens de Strasbourg, hein, donc Nuit Debout qui a tenu un moment avant qu'effectivement, il y ait une répression aussi au niveau de la ville. Moi, je me disais, qui parle à Nuit Debout ? Qui prend la parole ? Moi, j'ai l'habitude relativement de la prendre. Du coup, je me demande quels sont les citoyens et citoyennes qui prennent la parole dans ces espaces-là. Je veux dire, je travaille avec des enfants, donc depuis 25 ans maintenant. Moi, je me dis qu'il y a un problème de visibilité de Nuit Debout dans ce qu'ils racontent aux enfants. C'est-à-dire, les journalistes qui, pour moi, de toute évidence, ne font pas leur travail. Hein. C'est extrêmement perturbant de vouloir développer l'esprit critique quand on ne peut pas s'appuyer sur les médias, au moins télévisuels. Après, si on rentre dans le journalisme et si on rentre dans les articles, là, on peut. Mais du coup, c'est l'appréhension de la langue française, hein, qui rentre en jeu. Pour faire beaucoup de débats publics dans la rue depuis des années. Hein, ça s'appelle les porteurs de parole, je suppose que vous en avez fait. Ça, j'ai appris à le faire il y a une dizaine d'années, et ça marche bien à la sortie des écoles. Donc, première question, puisque je suis ignorante par rapport à ce que vous faites sur Paris, est-ce que vous allez à la sortie des écoles ? Est-ce que vous allez à la sortie des lycées ? Je dis vous, parce que justement, c'est un collectif d'individus. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des actions qui sortent de cette place ? Première question. Du coup, la lisibilité du mouvement, hein, de qui parle, comment et quand, et quand est-ce qu'on va chercher la parole des citoyens et citoyennes ? De qui se sent légitime à parler ? Parce que moi, j'ai fait des débats où il y a 400 personnes, hein, qui donnent 400 réponses à une seule question. Et ça, je l'ai vécu et c'est très émouvant. Donc, le fait de poser la démocratie, si on élit un gouvernement tous les 4 ans, qu'est-ce que ça veut dire de la parole du citoyen entre ces moments d'élection ? Sachant qu'il y en a plein entre-temps et que les gens ne vont pas voter. Parce que le sens de ces élections, ils n'en ont pas. Alors que ce sont des élections locales la plupart du temps. Il y a différentes échelles d'élections. Moi, je suis tombée dedans quand j'avais 4 ans. Donc j'ai eu du bol, c'est ma famille qui m'a donné ce sens politique et le fait que la démocratie, elle a du sens pour moi parce qu'elle est ancrée dans une éducation familiale. Du coup, quand c'est pas la famille, si c'est la société, pour moi, Nuit Debout, c'est ça. Pour moi, Nuit Debout, c'est ça. Et je me dis, ça fait des semaines que je veux venir. Moi, j'ai vu les attentats, j'étais à Strasbourg, donc c'était un blocus à Noël. Hein. Au mois de décembre, pendant un mois, il fallait montrer ses papiers, il y avait 10 flics au mètre carré à Strasbourg, c'était l'enfer. Et moi, j'avais peur des flics et mes enfants, ils ont peur des flics pour ça. Ils ont peur de l'armée pour ça, parce qu'en fait, ils ne se sentaient pas du tout protégés. On n'avait pas peur d'avoir des attentats, on avait peur des flics et des gendarmes. Mais moi, quand je vois les insultes, parce que je suis allée dans la rue, hein, je me dis, à Strasbourg, il y a 200 personnes contre la loi El Khomri. Moi, j'ai fait toutes les manifs, et je me dis, mais pourquoi il n'y a pas 20 000 personnes dans la rue ? Pourquoi à Nuit Debout, Strasbourg, on n'est pas 20 000 sur la place de la République à Strasbourg ? Je ne comprends pas ça. Et en dehors du traitement médiatique, je me dis, du coup, là, pour me ressourcer, j'ai un pari. Pour me ressourcer, je viens ici, quoi. Il y a quelque chose qui n'a pas de sens. Pourquoi Nuit Debout, c'est à Paris, place de la République ? Pourquoi c'est pas partout en France ? C'est-à-dire que là, de nouveau... Enfin, vous voyez, ça paraît con, hein, je suis désolée, mais du coup, Nuit Debout, comment ça résonne ? Quand ça résonne, si c'est pas ici ? Quels moyens on se donne ? Alors moi, je pense à la radio. Je suis désolée, hein. Du coup, je pose plein de questions en même temps parce qu'on n'en parle pas assez médiatiquement. Je crois qu'il y a une radio qui a été créée. Il y a des radios alternatives partout en France. Est-ce que dans la résonance de Nuit Debout, il n'y a pas ça ? Et depuis tout à l'heure, je me dis, ouais, mais quel citoyen ? Vous voyez, je ne sais pas, on est combien ? On est 200. Allez, à vue de nez, on est 200. Chouette. On est 200. Qui prend la parole ? Qui se sent légitime ? Moi, je me dis, je vais rougir, je vais être rouge pivoine, je ne vais jamais oser parler. Puis après, je me suis motivée. Du coup, voilà, maintenant, je suis bavarde. Mais qui parle ? Alors après, on a le droit d'écouter. Hein. Moi, je suis venue au départ pour écouter, puis je me suis dit, non, là, c'est trop. Quand je vois en Amérique latine ou dans d'autres pays, aux États-Unis, les manifestations, c'est impressionnant. La répression, moi je l'ai vu aux États-Unis, la répression, je ne la vois pas en France. Hein. enfin, je veux dire, la répression, j'étais en Irak au moment où on disait qu'il y avait personne qui manifestait. Moi, j'ai vu une manifestation à Seattle, j'y étais. Il y avait 1 million de personnes dans la rue, le canard enchaîné n'en parlait même pas en France. Hein. Et là, c'est 200 CRS pour 500 personnes. 200 CRS pour 500 personnes. Là, c'est de la répression, ils font 2 mètres et... Vous voyez ? Donc, le mot répression, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà. Et confusion entre l'État et ceux qui le représentent. Plusieurs fois, j'entends, hein, mais ça, je l'entends souvent, les gens, ils font leur job. Et hélas, après, ils le font tellement bien, ils ont des ordres, ils ont des missions, et souvent, on fait des raccourcis. Alors là, j'entendais encore des raccourcis, mais voilà. Enfin, que nous, on soit vigilants à ne pas faire des raccourcis pour ne pas ramener de la haine, non plus nous. Si vous pouvez vous rapprocher un petit peu, parce qu'on va être... Oui, d'accord. Je voulais être d'accord avec elle, en fait, c'est vrai que Nuit Debout, c'est vraiment que sur Paris. En fait, moi, je viens à la côté de Rambouillet et je vois qu'il n'y a que 10 personnes qui viennent et il n'y a rien qui se passe. Donc, en fait, je suis vraiment d'accord avec elle. D'accord, merci. Je suis vraiment d'accord que Nuit Debout, c'est que vraiment à Paris et on peut pas tous venir à Paris. Bien sûr, il y a d'autres alternatives comme Radio Debout, tout ce qui est chat, tout ce qui est Mumble, mais les gens connaissent pas et ça bouge pas du tout en fait. On va sur Mumble, mais on nous dit oui, on va retransmettre les AG, mais en fait, il y a rien qui se passe derrière. Personne ne fait grand chose. Il y a que des tensions en fait. Moi, je suis déjà allée sur le chat. Je peux vous dire que j'ai osé dire un mot de travers et voilà, ça part mal parce que les gens disent oui, vous n'êtes pas administrateur, oui, vous n'êtes pas modérateur. Et donc voilà, je voulais dire que Nuit Debout, c'est vrai que c'est que Place de la République et quand vous vous éloignez assez loin de Paris, bah il y a plus rien qui se passe et comment on fait, bah que via internet et si on n'a pas internet, bah on fait pas en gros, voilà. Alors on arrive vers la fin de l'intervention, on va prendre encore quelques questions puis comme ça, vas-y. Oui, bah du coup, moi, je voulais intervenir avant, mais j'ai aussi envie de répondre. Je sais pas à quoi répondre pour être synthétique. Non, simplement, et après, j'essaierai de te répondre sur cette question cette idée de répercussion individuelle sur le fait qu'il y en a aussi, voire surtout. Alors, je sais pas, c'est un autre débat. Mais je rencontrais un carré rouge, donc un des étudiants qui avait pris part aux manifestations au Québec, et je me faisais un peu l'avocat du diable en lui disant, mais en fait, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Est-ce que c'est pas un échec ce mouvement, puisque la Nuit Debout aujourd'hui à Montréal peine à rassembler quelques dizaines de personnes? Et il me répondait assez justement, ça a permis aux gens qui étaient présents à ce moment-là de prendre conscience de certaines choses, voire de s'émanciper. Et en fait, moi, voilà, de manière totalement individuelle, ce mouvement me permet aussi de prendre part à quelque chose. Alors certes, d'échanger avec des gens, mais à éducation populaire, alors sans faire la publicité de cette commission-là, mais j'expérimente aussi le militantisme, mais dans le sens j'œuvre collectivement avec des gens qui partagent en partie les mêmes valeurs que moi, et ça fait juste du bien en fait. Et peut-être que c'est aussi ça, ce mouvement, c'est ensemble que nos énergies positives s'allient pour essayer d'avancer. Après, pour répondre à votre question, à ta question, ouais, il y aurait plein de réponses, mais du coup, je vais te passer la parole après parce que j'ai déjà trop parlé. Nous, enfin, qui peut intervenir, en tout cas, à éducation populaire, ce qu'on souhaite, c'est que toute personne, alors qui se sent, oui, effectivement, d'intervenir, soit là sur cette place, que ce soit, alors ça a été beaucoup, mais on essaye de lutter contre des chercheurs, des professeurs, mais moi je rêve, voilà, mademoiselle qui a un accordéon, mais venez demain, après-demain, venez nous faire de l'accordéon, qu'on danse, c'est aussi un savoir, quoi. Et pour les personnes qui prennent la parole, effectivement, faut se lancer, mais lancez-vous, tout le monde a quelque chose à apporter, quoi. Et sur cette question de sortir de Place de la République, je laisse certains d'entre nous répondre. Non, c'est simplement pour rebondir en effet sur ce qui se passe ailleurs. Nous, on a imaginé, puis là, on est en train, du coup, bon, j'en parlerai aussi tout à l'heure à l'AG, la possibilité d'une nuit debout itinérante. Donc, le thème, ce serait debout, parole itinérante. On partirait un petit peu avec l'idée de la marche pour l'égalité de 1983. Donc, traverser la France. Voilà, en emmenant une sono ou pas, en fonction des endroits où on va, ne pas arriver à trop nombreux en même temps pour pas faire d'occupation, donc imaginez peut-être plein de points de départ et plein de points d'arrivée, mais en tout cas pour aller là où voilà, les personnes connaissent seulement de Nuit Debout ce qu'elles entendent par les médias, et aussi pas forcément pour venir avec les revendications de Nuit Debout, d'ailleurs surtout pas, mais venir simplement pour dire, voilà, on aimerait savoir, on aimerait vous écouter, on aimerait parler avec vous, on aimerait échanger, et c'est sûr qu'il y aura des endroits où ça risque d'être un petit peu compliqué, mais si nous on entretient ce clivage de on vous parle pas parce qu'on n'est pas d'accord avec vous, et quand voulez-vous que les autres en face viennent, ils vont pas venir nous voir en disant bon on n'est pas d'accord avec vous, mais du coup on fait le premier pas parce que vous êtes là, bah non, non, non, il y a un moment faut se déplacer, faut y aller, et là ce serait vraiment un mouvement, quelque chose qui serait toujours, alors si je dis En Marche, on va m'appeler Emmanuel, donc je vais pas dire En Marche, mais ce serait voilà un mouvement, un déplacement quotidien, et vraiment je pense une expérience assez extraordinaire. Donc d'ailleurs, si vous avez envie d'y participer, on partira début août certainement. Est-ce qu'il y a quelques questions encore, puis vraiment après, du coup, je te laisse conclure. Une dernière question ? Ok. Ah, trop cool. Bien, le mouvement itinérant de vous. C'est un peu ce que je veux faire, moi, mais toute seule. Mais du coup, on en reparlera. Ouais, faut qu'on en reparle. Parce que je cherche des ressources, etc., pour renvoyer après les gens sur d'autres choses. C'est surtout ça, en fait. C'est être un média, moi, comme tu disais tout à l'heure, que chacun se fasse le média de ce qui lui a plu d'entendre et de voir et qui lui paraît intéressant de transmettre. Et dans cette veine-là, et aussi pour répondre à, quelque part, certaines interventions et à un moment aussi ce qui a été dit par rapport au regret qu'il n'y ait pas... À la constatation qu'on reste au niveau populaire et que du coup, à quel moment est-ce qu'on essaye d'investir vraiment la scène politique par l'intérieur, comme ça s'est fait donc en Bolivie, en Équateur. Et je vais faire un petit peu de pub parce que vraiment ça m'a plu, ça m'a parlé, j'ai pas été engrainée, ils sont pas du tout dans cette démarche-là. J'ai voulu les rencontrer, ils ont pris du temps pour me rencontrer, et c'est des gens qui travaillent bénévolement sur cette plateforme et tout. J'ai adoré leur campagne de com qui était très humoristique avec le démocratol. D'ailleurs, j'avais filé une boîte à des membres de Éducation Populaire Debout il y a deux semaines. Je sais pas si vous l'avez eu entre les mains tous. C'est laprimaire.org. Voilà. C'est vraiment la plateforme des primaires citoyennes qui est, à mon sens, sincère, honnête, vraiment, ils sont dans cette démarche de offrir une plateforme sans idéologie arrêtée, ouverte à tous, où chacun peut se présenter en tant que juste citoyen qui a envie d'être éligible au présidentiel. Bah oui, rien que ça. Et leur travail à eux en amont, comme un peu cette façon de faire à Nuit Debout, qui est pas de tête à faire tomber. qui est pas de leader, qui est pas de vraiment de hiérarchie. Il y a les gestionnaires, les fondateurs et gestionnaires de la plateforme qui sont tous bénévoles, mais qui n'ont rien à voir avec ce qui va se développer sur la plateforme et ce qui va être proposé au niveau politique. Ces gens-là, ils sont juste là pour mettre en route la plateforme, s'assurer que ça marche, permettre aux gens de rentrer en lien les uns avec les autres, et c'est d'ailleurs eux qui se servent de Telegram, et c'est pour ça que je suis sur Telegram. Et du coup, pour permettre au candidat sortant, donc qui sera élu par jugement majoritaire, pas par suffrage avec deux tours machin, mais par jugement majoritaire à un tour où on donne des appréciations à chaque. Ça, c'est une façon de voter qui est très très très intéressante aussi, dont on a parlé. Il y a quelqu'un qui avait fait un exposé ici il y a quelques jours. Et donc ils mettent sur leur plateforme déjà en application des principes profondément démocratiques et qui donc si c'est moi je me suis mise là-dessus parce que je me suis dit si cette plateforme elle est utilisée, elle est attrapée par des gens qui ont des bonnes idées, ça va devenir un bon truc. Et pour l'instant il y a 25 000 inscrits, peut-être un peu plus. Ils visent 100 000 pour lancer les élections. Voilà, donc c'est ouvert à tous, allez y faire un tour. La primaire en un mot .org, ça n'a rien à voir avec primaire.org et d'autres choses comme ça, c'est vraiment la primaire. Top, voilà, je vous le dis, c'est top. Et ça peut donner quelque chose. Bon, merci beaucoup pour tous ces commentaires, j'ai beaucoup appris comme d'habitude à Nuit Debout. Je vais peut-être commencer par la première et la dernière question sur la première.org. Mais donc, avec l'idée, je pense que justement ce qu'elle vient de dire, ça me paraît très important parce que d'un côté, c'est vrai qu'il y a quand même un vrai problème avec les élections, en disant cette idée de délégation, etc. Et d'un autre côté, ce qui je trouve passionnant, c'est cette réinvention, en fait, y compris des élections, réinvention de plein de choses comme ce dont elle parlait. Non, c'est un peu compliqué parce que bon, il faut que je regarde ailleurs, sinon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réinvention qui se fait, peut-être, qui est, à mon avis, ce qui est plus intéressant, c'est pas tellement dire on va faire autre, c'est dire on va faire autre chose que des élections, mais pas forcément en s'opposant à ça non plus. Une espèce de l'idée que la démocratie, ça, pourquoi pas, les élections peuvent en faire partie, surtout s'il n'y a pas que ça. Et on voit, à mon avis, toutes les alternatives intéressantes aujourd'hui en Europe comme dans le monde sont des alternatives qui ne sont pas que électorales et qui mélangent plein de choses et ça passe notamment et pas uniquement par Internet. Je pense que la première.org c'est un exemple, mais il y a plein d'autres aussi, avec ce que madame disait tout à l'heure, là, en disant qu'on peut voter par exemple sur des projets précis, sur des points précis, donc là Internet peut nous être utile. Il y a aussi ce que fait par exemple Jeremy Corbyn en Angleterre, on en parle très peu en France. Mais ce qui est intéressant, c'est par exemple que lui, déjà il a été élu par beaucoup de jeunes, notamment sans être toujours sur Internet, c'est pas une question de communication, c'est une question de politique différente. Et ce qu'il fait, par exemple, c'est que très souvent, quand il fait ses questions au Premier ministre, ou d'habitude c'est une joute électorale, une joute entre deux professionnels de la politique, il prend les questions sur Internet et tous les citoyens lui envoient des questions que lui pose ensuite au Premier ministre. Et donc il y a plein d'articulations comme ça entre différentes manières de faire de la politique et la politique électorale. Et donc peut-être que là, il y a des pistes. Sur l'Équateur, j'ai passé un peu de temps là-bas, et c'est vrai qu'il y a un changement, c'est vrai qu'il y a une fierté d'être équatorien. Clairement, c'est un gouvernement qui n'est pas très écologiste du tout, qui est assez néolibéral, et pour lequel la croissance économique reste essentielle. Et donc ça pose beaucoup de questions, parce que c'est un gouvernement qui a fait un discours énorme sur le buen vivir, le bien vivre, et qui aujourd'hui fait en grande partie le contraire, qui expulse des chercheurs qui sont critiques. Et donc vraiment, ça pose une vraie question, de dire est-ce qu'il est possible finalement d'élire un gouvernement pour changer les choses, parce que ce gouvernement-là, finalement, a repris l'essentiel des politiques très classiques, et il a fait un truc très bien, très important, c'est que c'est un état social beaucoup plus important. Et donc, beaucoup d'Équatoriens, aujourd'hui, ont accès à l'école, aux soins de santé, des autoroutes, etc. C'est super bien, mais ça n'a rien à voir avec un discours post-néolibéral et post-croissance. Non, au contraire, je l'ai rappelé, ils veulent la croissance et plus de croissance pour entretenir le modèle. La plupart de mes anciens étudiants équatoriens travaillent aujourd'hui au gouvernement, et donc c'est un gouvernement, l'état de plus en plus fort. Pour maintenir l'État, il faut plus de croissance. Bref, ça questionne de nouveau le modèle politique. Et en tout cas, quand le modèle de la politique électorale est aussi central, aussi dominant, avec un leader aussi charismatique, à mon avis, ça pose toujours des problèmes. Mais on peut en rediscuter. Donc, encore une fois, l'articulation et la contestation me paraît centrale. C'est pour ça que le mouvement Nuit Debout, moi, me paraît... on peut bien sûr dire que c'est un mouvement qui veut la crise de la démocratie, mais c'est finalement une aspiration à plus de démocratie aussi. Indépendamment si la démocratie est plus en crise qu'avant ou moins en crise qu'avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est clairement un mouvement qui revendique la démocratie, qui revendique aussi la justice, par exemple. L'indépendance de la justice est remise en cause aujourd'hui, y compris en France, par rapport à tous ces jeunes qui se font... on est en garde à vue 18 heures pour un graffiti quand même, c'est des gens d'ici, de Nuit Debout. Et puis ensuite, il y a des condamnations qui sont très fortes pour peu de choses. Et donc, c'est un mouvement finalement qui revient aux bases de la démocratie, et avec l'idée... qui est revenu ici dans ce que tu viens de dire, de se réemparer de tout cela. C'est dire, finalement, c'est vrai que c'est un gros problème, premièrement, des politiciens professionnels. C'est peut-être pas forcément bien qu'il y ait des gens qui se fassent ça toute leur vie, et les autres qui ne le fassent pas, du coup. Donc il faut s'en réemparer. C'est un problème, certainement, des élites politiques, de cette collusion avec les élites politiques, économiques et médiatiques, mais c'est aussi un problème citoyen, finalement. Parce que le système est quand même suffisamment... On est suffisamment libre en France pour s'en réemparer en grande partie. Bien sûr, il y a des vrais problèmes ensuite, mais il faut commencer par le refaire nous-mêmes. Et c'est vrai que accuser les politiciens de toutes les dérives, c'est sans doute vrai, mais il faut aussi commencer par le faire soi-même à son niveau. Et là, encore une fois, je pense que les mouvements de type Nuit Debout, mais aussi au-delà, hein, je pense les AMAP en France, on en parle beaucoup moins maintenant, mais ils sont très importants, ça se développe beaucoup, et c'est se réemparer tous ces problèmes à partir d'en bas. Et je n'aurai pas le temps de répondre à toutes les questions, mais peut-être pour terminer, finalement, le fait est qu'il y a des multiples manières de changer les choses. Certaines qui passent sans doute, pourquoi pas, par une partie de politique institutionnelle, d'autres par la contestation, la critique qui est toujours essentielle. L'esprit critique, je ne sais pas qui le disait, madame, est essentiel. L'esprit critique qui passe par les médias, par l'éducation, par cette discussion aussi, se réemparer les débats c'est bien ce qui est fait ici, ce qui est fait auparavant. Je pense qu'ATTAC, par exemple, a fait aussi un travail important en France pour se réemparer de l'économie, qui n'est pas une question d'expert uniquement. Et donc, ça me paraît essentiel. Mais, et donc, là-dessus, il y a différentes manières de le faire. Il faut voir comment elles peuvent se combiner, comment on peut changer les choses petit à petit à différents niveaux. Et en même temps, une question, et c'est peut-être pas une question sans issue, qui me frappe quand même. C'est vrai que j'insiste encore une fois sur l'importance de tous ces petits changements un peu partout. En même temps, peut-on changer le monde uniquement en multipliant les îlots alternatifs, uniquement en se changeant soi-même? Est-ce qu'il est possible de... c'est vrai que c'est très important, se changer soi-même, c'est la base, c'est indispensable. À mon avis, on ne changera pas le monde sans ça. En même temps, est-ce suffisant? On le voit par exemple le cas du Mexique, où tout ce qu'on fait ici, du côté des zapatistes par exemple, c'est déjà très présent, cette question si importante de se demander fait partie du chemin. On avance en se questionnant. C'est ce qu'on fait ici, hein. On réfléchit sans cesse sur ce qu'on fait. Et donc, le fait même de se questionner fait partie de ce que nous faisons. Ce n'est pas ralentir ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons, se questionner. Ils le font déjà. Et il y a plein de groupes comme ça au Mexique, des dizaines de groupes, des centaines de groupes, très investis depuis 20, 30, 40 ans. Et en même temps, donc, aujourd'hui, malgré ce succès des groupes au niveau local, le Mexique est un pays plus néolibéral, plus violent et beaucoup plus inégalitaire. Et donc, il y a forcément, je veux dire, évidemment, tout ça, c'est essentiel de se changer soi-même au niveau local. Ça, je termine là. Et je termine avec cette question, mais en même temps, on voit que ça ne suffit pas non plus. Et donc, du coup, il faut aussi, il y a aussi l'autre aspect de critique du système en place, de la politique électorale, qui est aussi présent. Et tout ça est, à mon avis, complémentaire. Merci beaucoup, bravo à toutes et à tous hein, pour cette journée. Alors j'ai plusieurs choses à dire. Premièrement, on a mis en place une boîte à questions, donc si vous voulez mettre des questions de façon un petit peu anonyme, voilà, on y répond tous ensemble, on n'invite pas d'experts pour y répondre. On a déjà fait ça plusieurs fois, c'était assez extraordinaire de voir de quelle façon finalement, comme chacun échange et donne son avis, sa réflexion autour d'une question, de quelle façon... ça peut faire avancer la pensée et de fait, on arrive vraiment à répondre de façon très intéressante. Je rappelle aussi à tous ceux, toutes celles qui le souhaitent, que vous pouvez venir proposer des interventions. Voilà, ça peut être plutôt une expérience, des connaissances, ça peut être une passion, ça peut être un voyage. Enfin, voilà, c'est vraiment ouvert à toutes les formes. Et n'hésitez pas, pour l'instant, à refuser aucune intervention, voilà, pour vous dire. Ensuite, là, l'Assemblée... va être une assemblée de coordination, donc qui va revenir un petit peu, comme on est le 100 mars aujourd'hui, sur les autres mouvements qu'il y a eu. D'accord, ça commence... Oui, juste... oui. Mais avant, juste que vous partiez, il y a une dame donc, qui veut faire, qui veut parler un petit peu de ce qu'elle voudrait mettre en place ici, qui serait sous forme de cours de français, donc pas au sein d'éducation populaire, mais pour proposer ça. Et voilà, je crois que j'ai... Si, très important, si vous voulez venir nous aider pour l'organisation, parce que, voilà, on essaye d'être là tous les jours, présent, donc on s'épuise un petit peu, n'hésitez pas, vraiment, on a besoin de monde, donc voilà, venez nous voir, on prend vos contacts, on fait une réunion tous les dimanches à 18h, et vraiment, voilà, on a besoin de monde pour intervenir, mais aussi pour organiser, continuer à organiser de beaux éducation populaire. Merci beaucoup. Vous m'entendez, c'est bon? Bon, j'en ai pas pour longtemps, donc merci à EducPop de me permettre de lancer cet appel. Donc en fait, je suis en train d'essayer de monter cours de français debout sur la place. Donc l'idée, ce serait de donner...